Pour vos différents besoins en électricité, c'est l'équipe des entreprises Rodrigue Piquette qu'il faut consulter. Que ce soit pour vos travaux résidentiels, commerciaux ou industriels, les entreprises Rodrigue Piquette se spécialisent dans l'analyse de la qualité d'énergie et un comptoir de produits électriques qui répond à vos besoins à des prix imbattables. Les entreprises Rodrigue Piquette, au 410 8e avenue à Dolbeau-Mistassini, le propriétaire des entreprises Rodrigue Piquette rappelle que l'achat local est vital pour protéger... Ah, hier, il y avait une belle soirée de la NBA à Montréal. Il y avait tout près de 20 000 spectateurs pour le match entre les Raptors et les Nets de Brooklyn. Mais ce qui a fait parler hier beaucoup, c'était pas nécessairement le match comme la sortie hier de trois hommes d'affaires, dont Michael Fortier, qui veulent amener une équipe de la NBA à Montréal. Et on est très chanceux d'avoir ce matin le promoteur du projet, Michael Fortier. Bon matin, Michael. Bonjour, Danny. Michael, si on parlait d'abord du projet, je vous respecte énormément, je vous aime beaucoup. Par contre, convainquez-moi que c'est possible, parce que moi, j'y crois pas du tout. Ben, en fait, vous savez, Danny, la beauté, c'est que j'ai pas besoin de vous convaincre. non, mais c'est ça la beauté. C'est que comme le projet ne tiendra que sur des investissements privés, c'est vraiment les investisseurs qu'on approche qui doivent être convaincus. Et eux font leur travail, font leurs propres études, s'intéressent à l'intérêt du basket à Montréal, s'intéressent à l'intérêt de la communauté des affaires pour encourager une équipe de basket. Et un de ces investisseurs s'est déjà manifesté hier, Stéphane Crétier de Garda, qui... a confirmé qu'il allait être propriétaire de jusqu'à 10% de l'équipe. Et quand on sait que le prix pourrait être autour de 2 milliards US, mais M. Crétier hier, il a essentiellement annoncé qu'il allait signer un chèque de 200 millions de dollars américains. Mais c'est pas sur le fait que ça marcherait pas. Je suis convaincu que ça marcherait. C'est sur le fait que quand il est question d'expansion, Adam Silver ne parle jamais de Montréal. En fait, il dit qu'il n'y aura pas d'expansion. Puis quand il parle d'expansion, on parle de Seattle, puis on parle de Vegas, mais jamais on parle de Montréal. Vous avez entièrement raison. Alors moi, j'ai répondu à votre question, convainquez-moi. Moi, je vous dis que le montage financier, je suis assez confiant qu'on va le réussir. Maintenant, ça, malheureusement pour nous, ça va être que 50% de la bataille. L'autre 50% qui sera très important, c'est qu'au moment où la Ligue annoncera qu'elle veut agrandir les cadres de ses opérations, il va falloir que Montréal soit préparé. Il va falloir que Montréal soit prête à affronter de la concurrence. Mmh. Évidemment, tout dépendra. Est-ce que la Ligue voudra deux équipes dans l'Ouest? Est-ce que la Ligue voudra ajouter deux équipes, une dans l'Ouest, une dans l'Est? On nage dans des eaux qu'on connaît mal parce qu'en fait, la Ligue n'a rien annoncé parce que la Ligue n'est pas prête à faire une expansion. Mais quand elle sera prête, nous aussi, on sera prêts. Et on aura fait notre travail de démarchage. D'ailleurs, on est en train de le faire. Oui. Avec plusieurs intervenants dans la Ligue, en commençant par le commissaire et des propriétaires, pour faire mieux connaître Montréal, la base de fans qu'on a ici au Québec, la profondeur de nos sièges sociaux et leur capacité d'appuyer une équipe. Mais ça, c'est un travail qu'on fait concurremment au montage financier qu'on est en train de monter. OK. Steven Brofman, pour le retour des expos, a approché la plupart des propriétaires des autres formations. On entend souvent parler que ce serait le fun de revenir à Montréal de la part des propriétaires. Il y a beaucoup d'échos des États-Unis. D'ailleurs, le commissaire du baseball ne manque jamais l'occasion de parler de Montréal. Et lorsqu'il parle d'expansion, c'est Montréal en premier. Là, maintenant, est-ce que vous attendez faire un peu la tournée des propriétaires, un peu comme Steven Brofman a fait? Ben, la tournée, on a déjà commencé à parler à certains d'entre eux. Donc, on va faire notre travail discrètement, comme on le fait depuis un an. Hier, on a fait l'annonce qu'on a faite parce que, un, il y avait un match à Montréal. Ouais. Et deux, M. Crétier, on s'était entendu avec M. Crétier récemment. Donc, pour nous, il était presque naturel qu'on fasse cette annonce. Mais on va continuer à travailler sous le radar avec toutes sortes d'intervenants dans le milieu du basket professionnel pour mieux faire connaître la candidature de Montréal. Et nous, vous savez, curieusement, plus ça prend de temps, pour que la Ligue annonce l'expansion, mieux c'est pour nous. Mieux c'est pour nous. Parce qu'aujourd'hui, vous avez entièrement raison, on n'apparaît pas sur les écrans radar et on serait vraiment une alternative qui serait prise au sérieux, mais qui aurait du retard sur d'autres. Ouais. Alors, plus le temps avance, plus on a le temps de rattraper l'écart entre nous et les autres villes, les autres villes qui sont considérées. Question que je me pose et question qui n'a pas été posée hier, si l'actionnaire majoritaire veut faire bande à part et veut être seul, il arrive quoi avec Stéphane Chrétien? Ben, c'est une excellente question et vous avez raison, personne ne l'a posée hier. Nous, on pense que ça dépend. Si c'est un actionnaire canadien ou québécois, ben c'est certainement quelqu'un qui va connaître M. Chrétien, donc nous, on pense pas que c'est un problème. Si c'est un actionnaire non canadien, nous, on pense qu'il sera absolument essentiel pour cet actionnaire d'avoir une fenêtre ici au Québec, dans l'actionnariat. On le sait, les Québécois s'identifient à leurs étoiles, qu'ils soient dans le milieu culturel, financier ou sportif. Stéphane, c'est un gars d'ici, c'est un gars qui a grandi à Saint-Vincent-de-Paul. Il a connu un succès fou avec sa business. Les Québécois s'identifient beaucoup à des success stories comme celle de Stéphane. Donc, je pense que ce serait important qu'on ait dans l'actionnariat quelqu'un comme lui, qui serait le visage du Québec. Mais il faudra voir qui sera l'actionnaire de contrôle avant de conclure quoi que ce soit. OK. Si on parlait maintenant du côté d'argent, je vous ai entendu beaucoup hier dire c'est pas un problème, c'est pas l'argent qui est un problème, comme le fait de convaincre la NBA. 2 milliards les Expos, 2 milliards la NBA, ça fait 4 milliards. Est-ce que Montréal est capable de supporter 4 milliards pour... Oui, parce que là, vous pensez que l'argent viendra du Québec ou du Canada, ce qui est, selon moi, pas le cas. Okay. Je peux pas parler des Expos, j'ai pas entendu le chiffre 2 milliards, je vais rester sur le basket. Ouais. Nous, on pense que le prix pour une équipe d'expansion sera entre 1,5 et 2 milliards. Ouais. On peut se tromper, mais je préfère me préparer pour un coût d'acquisition qui est pas improbable. Alors, on va se préparer. Si l'argent... parce que l'argent, on l'a au Québec. Mmh. Écoutez, il y a eu une création de fortune exceptionnelle. Mais entre avoir l'argent et être intéressé par l'opportunité, il y a une marge. Alors, moi, j'accepte très bien que les gens très, très fortunés du Québec et du Canada n'ont peut-être pas l'intérêt pour investir dans le basket. Mais je sais que l'intérêt pour le basket à l'échelle planétaire parmi ces gens très fortunés est très fort. Donc, c'est pour ça que je suis confiant qu'on trouvera l'argent. OK. Il me reste 3-4 petites questions, monsieur Fortier. D'abord, le fait qu'il y a plusieurs joueurs canadiens qui arrivent, les Andrew Wiggins, les R.J. Barrett, qui va être une grande vedette dans l'NBA, probablement le premier choix repêché à l'NBA l'an prochain, qui va être une vedette. Il y en a d'autres également. Est-ce que ça va aider? Parce que ça vient des Raptors de Toronto. C'est l'héritage des Raptors en 95. Là. Pensez-vous que le fait qu'il va y avoir de plus en plus de Canadiens et des Canadiens dominants, ça va aider pour mousser Montréal? Mais on espère, vous savez, en 2013-2014... Ouais. Les deux premiers choix au repêchage étaient canadiens. Les deux premiers choix. Alors, c'est pas un hasard, vous avez raison de le dire. L'intérêt pour le basket existait déjà, mais la présence d'une équipe professionnelle au Canada a clairement moussé non seulement l'intérêt, la popularité, mais la façon dont on développait les joueurs. On développe maintenant des joueurs de très, très grand talent. Donc, c'est sûr que le Canada, M. Silver et les autres propriétaires, ils reconnaissent le succès fou qu'a connu Toronto. Donc, je pense pas que c'est une question du Canada. Je pense qu'on revient à ce qu'on se disait tantôt. Ouais. Montréal, lorsqu'elle est comparée aux quelques autres villes qui se manifestent déjà, comment paraît-elle? Ouais. Qu'est-ce qu'elle ajoute? Donc, on est là-dedans, puis c'est là où on va gagner ou on va perdre. OK. Dites-moi, vous devez vous réjouir qu'enfin, on va présenter des matchs en français. Il était temps, hein? Excusez-moi, on va présenter des matchs en... Ouais, vous devez vous réjouir que RDS va présenter des matchs en français de la NBA. Il était à peu près temps. Ça va mousser le sport aussi, ça? Ben, c'est sûr que si on a une équipe à Montréal, il y aura certainement un diffuseur qui va gagner la palme pour diffuser les matchs. Vous savez, on regarde tous ces grands descripteurs de matchs de langue française à la radio, à la télé qu'on a maintenant, qui s'expriment dans un français remarquable, qui ont trouvé des expressions touchant le hockey, qui sont de chez nous. On va faire la même chose au basket. Le basket, il joue chez nous en français depuis des années. Donc, pour moi, ce serait fantastique d'avoir une équipe à RDS ou à TVR Sport qui couvrirait tous les matchs de notre future équipe d'NBA. Mais dès cette année, on va présenter des matchs des Raptors, des matchs de la NBA. À quelque part, ça va mousser la NBA? Oui, mais il y en avait déjà. Je sais que TVA avait tenté l'expérience. Non, c'est sûr que ça nuit pas qu'il y ait aujourd'hui déjà des matchs. J'avais mal compris votre question. Non, tout à fait. C'est sûr que c'est utile. OK. Dernière question, M. Fortier. Vous mettez comme à table, parce que vous faites ça comme sideline à peu près, là. L'équipe qui tente d'amener la NBA, puis je sais que vous êtes très occupé, mais vous travaillez combien de temps par semaine ou par mois ou par... Bon, je calcule pas. Écoutez, c'est une très bonne question. Ouais. Hein, c'est drôle parce que ma femme m'a posé la même question récemment. C'est ça. Il y a une grande équipe autour de ce projet. Et moi, j'ai le seul mérite que je vais me donner, c'est de les avoir recrutés. Oui. Okay. Mais il y a des personnes qui passent beaucoup plus de temps que moi à réfléchir aux prochains gestes qu'on va poser, aux rencontres qu'on organise. Moi, j'assiste à certaines rencontres, à d'autres non. Monsieur Leblanc de la Chambre de commerce est un homme très occupé lui aussi, Monsieur Gilmour. Donc, on est plusieurs, on se partage la tâche et c'est ensemble qu'on a convaincu M. Créti. Okay. Et je pense que ce sera encore ensemble qu'on va convaincre le prochain investisseur. Ben, je vais vous souhaiter la meilleure des chances, même si je veux de la misère à croire, pas au fait que ça marcherait pas. Je suis convaincu que ça marcherait, que la NBA va s'établir à Montréal. Je vous souhaite la meilleure des chances, puisque merde que ce serait le fun. Puis quand il y a du sport, ben, ça dynamise le milieu. Merci beaucoup, Danny, de vous intéresser au projet. Je l'apprécie. Michael Fortier, le promoteur qui va amener la NBA à Montréal.